Psaume 108. Cantique de psaume de David. Mon cœur est disposé, ô Dieu, ma gloire l'est aussi, je chanterai et je psalmodierai. Réveille-toi, ma musette et ma harpe, je me réveillerai à l'aube du jour. Éternel, je te célébrerai parmi les peuples, et je te psalmodierai parmi les nations. Car ta bonté est grande par-dessus les cieux, et ta vérité atteint jusqu'aux nues. Ô Dieu, élève-toi sur les cieux, et que ta gloire soit sur toute la terre, afin que ceux que tu aimes soient délivrés. Sauve-moi par ta droite, et exauce-moi. Dieu a parlé en son sanctuaire, je me réjouirai, je partagerai Sichem, et mesurerai la vallée de Sukkot. Galaad sera à moi, Manassé sera à moi, et Ephraïm sera ma principale force, Judas mon législateur. Moab sera le bassin où je me laverai, je jetterai mon soulier sur Édom, je triompherai de la Palestine. Qui sera ce qui me conduira en la ville munie? Qui sera ce qui me conduira jusqu'en Édom? Ne sera-ce pas toi, ô Dieu, qui nous avais rejetés, et qui ne sortais plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous secours pour sortir de la détresse, car la délivrance qu'on attend de l'homme, est vaine. Nous ferons des actions de valeur en Dieu, et il foulera nos ennemis.